La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, l'humain est-il augmentable ? Nul besoin d'être entré ou sorti majeur de Polytechnique pour percevoir que le renouvellement des technologies bouleverse l'économie, les relations sociales, nos représentations du monde et aussi notre façon de nous envisager nous-mêmes. Si l'on avait posé à un homme du Moyen-Âge la question « Un être qui fait Paris-Marseille en 3 heures est-il encore un homme ?» Il aurait répondu « Non, c'est un oiseau particulièrement véloce ou un ange, mais ce n'est pas un homme. » L'augmentation des vitesses de transport, pour ne prendre que ce seul exemple, a donc permis un double déplacement, un déplacement dans l'espace bien sûr, mais aussi un déplacement d'ordre ontologique, comme si la rapidité de notre locomotion avait modifié les contours de notre nature. D'une façon générale, la technique n'est jamais extérieure à la vie humaine, elle y insère ses normes, les compose, et ainsi nous reconfigure. Qui pourrait faire vivre côte à côte afin de les comparer ? Un homme de 1918 et un autre de 2018 frôleraient déjà la tentation d'y distinguer deux espèces différentes. Mais ne s'agit-il que d'un début ? D'aucuns nous annoncent des perspectives technologiques si mirobolantes qu'elles ouvrent à ce qu'ils appellent le transhumanisme. Par sa seule évocation, ce nouvel horizon nous oblige à poser des questions comme « Comment bien vivre ensemble dans un monde profondément modifié par la technique ?» Comme arraché à la nature. Voulons-nous demeurer dans la condition humaine, avec les caractères que la dite nature semble lui avoir fixés ? Ou avons-nous envie de transgresser ses limites actuelles, de lui échapper autant que faire se peut, engendrer à n'importe quel âge, résister à tous les virus, vivre éternellement jeune, avec des capacités cérébrales augmentées grâce à l'implantation de toutes sortes d'artefacts dans le cerveau ? Bref, ce transhumanisme dont on nous parle est-il l'aboutissement de l'humanisme ou s'en démarque-t-il en ne ressemblant plus qu'à une triste ingénierie du paradis ? Dans un discours prononcé le 8 juin 1918 à Harvard et intitulé « Le déclin du courage », Alexandre Solzhenitsyn expliquait que l'humanisme rationaliste des Lumières est en fait une autonomie humaniste qui proclame et réalise l'autonomie humaine par rapport à toute force placée au-dessus de lui, Dieu, la nature ou encore la tradition. La philosophie des Lumières serait en quelque sorte un anthropocentrisme qui réclame que l'idée de l'homme soit posée au centre, sinon de ce qui existe, du moins de ce qui doit être pensé comme ayant une valeur suprême. L'homme moderne prétend pouvoir se suffire à lui-même, s'auto-créer, forger par soi seul les normes de son existence. Mais de quoi l'homme peut-il s'émanciper ? Dans quelle mesure peut-il être augmenté ? Par les temps qui courent, avons-nous besoin de davantage de technologies ? Ou de davantage de courage ? Pour répondre à ces questions, j'ai invité Olivier Rey. Bonjour. Bonjour Olivier Rey, vous publiez ces jours-ci un livre intitulé « L'heure et malheur du transhumanisme ». Nous sommes donc bien placés avec vous pour répondre aux questions que j'ai posées. Vous êtes chercheur au CNRS, membre de l'Institut d'Histoire et de Philosophie des Sciences et des Techniques. Vous avez fait Polytechnique et vous avez commencé par enseigner les mathématiques. Et ma première question sera « Comment passe-t-on des mathématiques à la philosophie ?» Bah écoutez, on y passe très insensiblement. Alors, pour tout vous dire, à la sortie de l'école polytechnique, quand je m'interrogeais sur la voie à suivre, je m'étais engagé dans la marine nationale parce que j'étais sous le coup de la lecture des mémoires d'un touriste de Stendhal, dans lesquels Stendhal conseille aux jeunes gens de se faire enseigne de vaisseau parce que ça leur permettra d'avoir beaucoup de temps pour méditer et pour lire. Moi, je me suis engagé dans la marine avec l'idée de mener une vie contemplative. Et puis, je me suis aperçu que depuis la première moitié du 19e siècle, beaucoup de marées avaient parcouru dans un sens et dans un autre la rade de Brest, que la marine s'était énormément modernisée, qu'elle avait des sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins et ce genre de choses, et que la vie contemplative à laquelle j'aspirais, ce ne serait pas dans la marine que je pourrais la mener. Donc je suis revenu à mon savoir-faire que j'avais développé pendant mes études, c'est-à-dire résoudre des problèmes de mathématiques, et j'ai fait une thèse en mathématiques et je suis entré au CNRS comme mathématicien. J'ai enseigné cette matière pendant un certain temps à l'école polytechnique, mais ce n'est pas pour autant que j'avais délaissé mes autres amours et que j'ai continué pendant toute cette période à lire beaucoup de philosophie. Bon, il s'est trouvé qu'à un certain moment, mais ça avait pris de plus en plus de place et que j'ai réussi à obtenir de la part du CNRS une reconnaissance institutionnelle, disons, de ce rééquilibrage qui s'était opéré. Mais aujourd'hui, je n'ai pas non plus complètement abandonné les mathématiques. J'ai publié un article récemment en mathématiques. Je voulais vérifier que je n'avais pas perdu la main. Alors comment est-ce que vous êtes arrivé à vous intéresser au transhumanisme? Et le résultat de cet intérêt, c'est le livre dont on va parler. Qui vous connaît un peu ou qui vous a déjà un peu lu devine que ce n'est pas votre tasse de thé. On vous sent tout à fait disposé et même désireux d'être ce que vous appelez un chimpanzé du futur. Pourquoi me suis-je intéressé à cette question? Ce n'est vraiment pas par goût. Très franchement, je préférerais vivre dans un monde où je n'aurais pas à me soucier de transhumanisme. Mais d'un autre côté, les transhumanistes sont quand même des gens très agressifs, puisque leur programme tout à fait explicite est d'en finir avec l'espèce humaine. Moi, en tant que ressortissant de l'espèce humaine, je me sens donc menacé. Et il me semble que je me suis retrouvé requis, en fait, de l'extérieur par ces agresseurs. Ce n'est pas parce que vous n'aimez pas la guerre que si des ennemis se massent aux frontières, eh bien, vous êtes bien obligé de faire quelque chose. Et puis, par ailleurs, le transhumanisme, pour rébarbatif que soit le sujet, a quand même un intérêt. Je pourrais peut-être le formuler comme ça. Il y a une phrase de Georges Bataille que j'aime bien. Georges Bataille dit « Je marche à l'aide des pieds, je philosophe à l'aide des sauts ». Et il me semble que les transhumanistes peuvent être finalement aussi délirants soient-ils par certains côtés, des auxiliaires pour penser notre temps. Est-ce qu'il y a une définition simple du transhumanisme ou est-ce qu'il a tellement de variantes que ce mot recouvre une sorte de fourre-tout ? Il y a ceux qui pensent qu'on peut jouer avec le génome, d'autres qui veulent installer des implants dans le corps, faire des cyborgs. Oui, mais disons qu'on peut présenter les choses ainsi. Depuis maintenant, disons, 2 siècles, il y a eu une extension absolument extraordinaire des capacités technologiques des êtres humains. Ces capacités technologiques, jusqu'à maintenant, ont essentiellement servi à transformer le monde autour de nous. Et les transhumanistes sont des gens qui pensent que nous sommes aujourd'hui arrivés à un stade du développement technologique qui nous permet d'envisager non plus seulement de transformer le monde à l'extérieur, mais également d'agir sur notre propre constitution. Alors après, vous avez raison. Comment agir sur notre propre constitution? Il y a des tas de pistes qui sont explorées. Ça peut être d'intervenir sur le génome, ça peut être d'essayer d'établir des continuités entre notre corps et la machine, de s'implanter différents dispositifs. Mais on va parler d'hommes augmentés, c'est le sujet de cette émission. Alors, est-ce que c'est une affaire de degré? Est-ce qu'il y a des ruptures dans cette augmentation? Un homme qui a une prothèse de hanche, par exemple, ou un pacemaker, est déjà augmenté d'une certaine façon. Mais il reste un homme. Est-ce que dans l'idée d'homme augmenté au sens des transhumanistes, il s'agit d'une véritable rupture, c'est-à-dire on devient le contraire d'un homme d'une certaine façon? C'est-à-dire que le transhumanisme repose quand même sur l'idée que de l'existence de certains seuils, si vous voulez, ou même si ce que l'on fait, ça n'est que poursuivre un certain mouvement initié depuis très longtemps, en fait, à certains moments, certains seuils quantitatifs vont entraîner des changements qualitatifs, c'est-à-dire que les modifications de l'être humain obtenues technologiquement vont véritablement nous faire sortir de la condition humaine. Alors d'ailleurs, dans l'argumentation des transhumanistes, en général, il y a une certaine malhonnêteté, parce que précisément ce sur quoi ils comptent, c'est sur le fait que, encore une fois, un certain développement quantitatif va à certains moments nous faire franchir certains seuils qualitatifs, mais par rapport aux personnes qui vont s'inquiéter que le transhumanisme ne va pas séduire et au contraire va inquiéter, leur réponse va être effectivement, mais écoutez, un homme avec une prothèse de hanche, il est déjà augmenté. Même si vous mettez de la crème solaire, vous augmentez votre peau pour la faire résister au soleil. Déjà, quand vous mettez des vêtements, vous augmentez votre corps pour résister au froid, etc. Quand vous avez des lunettes, bon. Et bon, c'est là où je dis qu'il y a une certaine malhonnêteté, parce que d'un côté, on va inscrire le développement technologique dans une continuité, mais ce qui fait parler de transhumanisme, c'est l'idée que à un certain moment, à force d'accumuler ce type de changement, eh bien, on va basculer dans un régime tout à fait inédit. Donc c'est quand même l'idée de la rupture. Bah, c'est-à-dire que, vous voyez, si les comparaisons qu'on peut prendre avec la physique, si on met de l'eau dans une casserole et puis qu'on chauffe, pendant un certain temps, simplement la température de l'eau augmente. Et puis, lorsqu'on est à la pression atmosphérique normale, quand on arrive à 100 degrés, on continue à chauffer. Et puis là, la température cesse d'augmenter. En revanche, l'eau se transforme en vapeur. Et pourtant, on n'a rien fait de différent de ce qu'on faisait avant. On a simplement continué à chauffer. Et il se trouve que, simplement, quand on arrive à 100 degrés, le fait de continuer à chauffer produit un effet inédit. Donc, on pourrait dire que le transhumanisme, c'est une sorte de changement de phase. Voilà, exactement. Par rapport à l'humanisme. Ce sur quoi comptent les transhumanistes, c'est quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire que, en continuant le mouvement de développement technologique, à un certain moment, ça fasse basculer l'humain dans quelque chose d'inédit, qui deviendrait transhumain, post-humain. Et c'est pour ça que, si vous voulez dire, ne vous inquiétez pas, puisque de toute façon, tout ce que l'on fait, c'est continuer ce qu'on fait déjà depuis le paléolithique. En fait, c'est pas très sérieux. C'est pas de la même manière que, si vous voulez, un physicien qui vous dirait, quand vous arrivez à 99 degrés, ne vous inquiétez pas de ce qui peut se passer à 100. Regardez, de toute façon, on ne fait que continuer ce qu'on faisait auparavant à chauffer. Alors vous dites que face au transhumanisme, Olivier Rey, l'humanisme est dans une situation comparable à celle de l'oiseau face au serpent. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? À vrai dire, je ne sais pas exactement si la chose est vraie, mais c'est du moins ce que j'ai lu, ce qu'on m'a raconté. On dit que si un oiseau se fait hypnotiser par un serpent et finalement manger, c'est que l'oiseau est placé par le serpent dans un conflit cognitif. Bon, il faut dire quand même que les oiseaux, alors ça dépend lesquels, il y a de grandes variations parmi les oiseaux, mais enfin disons que les oiseaux, dans l'ensemble, ne sont pas non plus, enfin n'ont pas des capacités intellectuelles stupéfiantes. Donc le pauvre oiseau, il est face au serpent et il est placé par le serpent dans un conflit cognitif parce que d'un côté, l'ondulation du serpent lui rappelle un ver de terre qui est bon à manger et donc il est attiré par le serpent. Et d'un autre côté, le serpent est beaucoup trop gros pour être un ver de terre et de par sa taille, il devrait engager l'oiseau à s'envoler, à s'échapper. Et le pauvre oiseau, il est pris entre son attirance pour la forme ondulante du serpent et la répulsion qui vient de la taille du serpent. Et il n'arrive pas à résoudre cette double injonction contradictoire et ne sachant pas quelle option prendre, il reste sur place et il se fait manger par le serpent. Alors j'ai pris effectivement cette comparaison avec notre situation vis-à-vis d'un certain humanisme. Alors il faudrait préciser l'humanisme tel qu'on le comprend, qu'on l'a compris au cours des trois derniers siècles, parce que cet humanisme a compté énormément sur le développement technique pour émanciper les êtres humains. Et finalement, la poursuite de ce développement technologique s'inscrit... Continue la mission. Voilà, continue la mission et donc à quelque chose qui appelle l'adhésion. Et puis, en même temps, on s'aperçoit que ce développement technologique était donc là pour émanciper l'humain et donc pour lui rendre le monde plus accueillant. Eh bien, nous arrivons à un stade où, en réalité, l'être humain, pour continuer à trouver sa place dans le monde, va devoir le monde lui devient si inhospitalier qu'il serait obligé de se transformer lui-même pour pouvoir encore y trouver sa place. Et donc là, à ce moment-là, ça devrait plutôt engendrer une réaction de rejet. Et nous autres contemporains, nous sommes pris dans ce conflit entre quelque chose qui la continuation d'un mouvement auquel des générations et des générations ont identifié avec le progrès. Et puis, nous arrivons à un moment où... tout d'un coup, on se rend compte que ce progrès, d'une certaine manière, appelle notre disparition. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Olivier Rey, vous citez cette phrase de Descartes dans le discours de la méthode. Tâchez toujours à me vaincre plutôt que la fortune et à changer mes désirs que l'ordre du monde. Mais est-ce que c'est une vraie bonne sagesse? Si on n'avait jamais voulu changer l'ordre du monde, est-ce qu'on aurait pu... bénéficier quand même de certains progrès qu'apporte la technique. En fait, vis-à-vis de cette question de la technique, je pense que la question est mal posée lorsque on l'envisage avec une alternative pour ou contre la technique c'est bien ou la technique ce n'est pas bien. Dans l'œuvre de Platon, il y a un dialogue qui s'appelle le Philebe, où Socrate discute avec son interlocuteur de ce que peut être le souverain bien. Et Socrate arrive avec une idée en tête. Pour lui, le souverain bien, c'est la réflexion philosophique, la sagesse et la sagesse qu'on peut retirer de cette réflexion. Et puis son interlocuteur, pour lui, le souverain bien, c'est d'accomplir tous ses désirs. Et puis, au fil de la discussion, et c'est vraiment très intéressant, les deux protagonistes vont finalement abandonner leur position de départ et se mettre d'accord sur le fait que le souverain bien, ça consiste dans quelque chose comme une juste mesure. Et je pense que on a beaucoup trop tendance à identifier le bien ou le mal à des principes, alors que souvent... Le bien et le mal ne tiennent pas à des principes, mais dans la juste mesure avec lesquelles on s'y conforme. Et je pense que pour la technique, la question n'est pas de dire que la technique est bonne ou mauvaise. De toute façon, l'être humain a absolument besoin de technique pour s'en sortir dans le monde. Un certain usage de la technique est, on pourrait dire, consubstantiel à la condition humaine. Donc la question n'est pas d'être pour ou contre la technique, c'est de savoir est-ce que la technique sert l'épanouissement et la fructification des êtres humains ou se met à leur nuire. Et je pense qu'il y a des seuils, si vous voulez, où il y a des retournements qui s'opèrent, ce que Ivan Illich appelait les seuils de contre-productivité. Ouais. Si je vous comprends bien, Olivier Rey, il y a des techniques qui sont à notre mesure et d'autres qui, au contraire, sont dans une démesure par rapport à nous. Vous dites quelque part dans le livre... on dit que l'homme est capable aujourd'hui de manipuler le nanomètre, ben des objets de la taille du nanomètre, c'est ce qu'on appelle les nanotechnologies. Et vous dites que cette phrase est un abus de langage, parce que c'est pas l'homme tout seul qui le fait, mais l'homme équipé par toutes sortes d'instruments très sophistiqués qui permettent cette manipulation. Oui, ben, je pense que ça c'est un énorme problème que l'on a, qui est très présent dans la littérature philosophique, c'est la confusion permanente avec le mot homme, la personne singulière et puis par ailleurs l'humanité. L'humanité. Et donc effectivement, quand on dit l'homme sait aujourd'hui manipuler la matière à l'échelle du nanomètre, en réalité il n'y a aucun homme singulier qui en est capable. Alors cette confusion qu'il y a entre l'homme singulier et l'homme en général, elle a quand même aussi sa valeur, parce qu'elle elle nous rappelle aussi que nous sommes fondamentalement des êtres qui vivons en communauté avec d'autres. Et en réalité, tout ce que nous savons le faire aussi parce que nous vivons en communauté avec d'autres. Et là encore, c'est une question de degré, de mesure, justement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a énormément de choses. Alors, vous avez cité cet exemple, manipuler la nature, la matière à l'échelle du nanomètre, en réalité qui non seulement dépasse toutes les facultés des personnes singulières, mais qui en plus ne sont vraiment l'œuvre que d'un immense système où chaque individu en particulier peut de moins en moins se reconnaître. Et c'est là aussi où il y a le basculement, si vous voulez, où la technique qui pendant un certain temps peut faire l'orgueil de l'être humain, à un certain moment, se met à le plonger dans une forme de honte, d'insuffisance, parce que sa technique devient beaucoup plus sophistiquée et puissante. C'est ce que Günther Anders s'appelait la honte prométhéenne. C'est exactement ce concept-là. Et le mouvement transhumaniste est fondamentalement ancré dans ce sentiment de honte prométhéenne, c'est-à-dire que le développement technologique nous a plongé dans un état où tous, autant que nous sommes individus singuliers, nous avons tendance à nous sentir écrasés par cette technique qui, au contraire, devait nous émanciper. Et finalement... Vous voulez dire, Olivier, que la technologie fait de nous des êtres complexés ? Oui, d'une certaine manière, effectivement. Qui peut suivre la technique dans ses performances ? Ben justement, aujourd'hui, en tant qu'être singulier, plus personne. Il y a une histoire qu'on trouve aussi chez Platon qui devrait donner à réfléchir. C'est un sophiste, un certain Hippias, qui un jour s'était rendu à Olympie en se vantant de ne porter sur lui que des choses qu'il avait fabriquées lui-même. Donc il avait fait ses propres chaussures, il avait tissé son propre vêtement, les bijoux qu'il portait, c'était lui-même aussi qui avait fait œuvre d'orfèvre pour les fabriquer. Alors, il y avait quelque chose d'un peu ridicule chez ce personnage Hippias, parce qu'il faisait ça essentiellement pour se vanter, en fait, pour montrer à quel point il maîtrisait toutes les techniques. Et puis, par ailleurs, il y a, si vous voulez, la division du travail est quelque chose qui est essentiel à l'humanité. Et donc, le fait qu'un être prétende vouloir maîtriser à lui tout seul toutes les techniques, à quelque chose d'un peu dérisoire. Mais en même temps, ce que cet exemple montrait, c'était que même si chez les Grecs, il y avait des cordonniers, des tisserands, des orfèvres, etc., et qu'il n'y avait que les orfèvres pour maîtriser leur technique, que les tisserands pour maîtriser leur technique, etc., en même temps, ces techniques n'étaient pas complètement opaques aux autres êtres humains. Ils se rendaient, même s'ils ne maîtrisaient pas eux-mêmes la technique, ils voyaient ces techniques-là comme étant potentiellement maîtrisables par eux. Alors qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde où nous sommes environnés d'objets techniques dont nous sommes de purs utilisateurs, nous sommes de purs consommateurs, nous n'avons strictement aucune idée de la façon dont elles peuvent être fabriquées. Et même les scientifiques les plus éminents et les ingénieurs les plus polyvalents, en fait, ne maîtrisent que pratiquement rien. Ils seraient incapables de réparer leur téléphone portable. Bah ça veut dire qu'on a un rapport magique quasiment avec la technique. Oui, bah c'est ça aussi, les seuils qui sont franchis, c'est-à-dire que il y a des analyses très bonnes de Simondon qui montrent à quel point la technique, contrairement à ce que certains disent, on dit la technique éloigne du monde, elle dit non, au contraire, elle nous fait rentrer dans le monde, parce que pour avoir un objet technique qui fonctionne, il faut rentrer dans les entrailles du monde, dans son fonctionnement. Et d'une certaine manière, pour une certaine technique, c'est tout à fait juste. Mais à un moment donné, il y a une sorte de retournement où la technique se referme sur elle-même. D'ailleurs, ce que nous utilisons aujourd'hui sont des objets qui sont scellés. D'ailleurs, il y a beaucoup d'objets maintenant qui nous sont vendus avec un autocollant sur le joint et qui dit qu'on perd la garantie si jamais on essaye de réparer. Moi, je sais par exemple que quand j'étais enfant, mon père était capable de réparer la voiture quand elle était en panne. Aujourd'hui, avec les circuits imprimés qu'il y a pour l'allumage, par exemple, il appelle un numéro vert. C'est totalement impossible. Et même le garagiste, d'ailleurs, est obligé d'avoir un équipement fourni par le constructeur pour pouvoir s'en sortir. Dans l'idée de transhumanisme, qui est le sujet de notre émission, de notre conversation, Olivier, il y a quand même l'idée de perfection. Et je vous propose d'écouter cette chanson de Lou Reed que vous avez choisie, qui s'appelle « Perfect Day ». Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. Perfect day, you just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Olivier Rey, vous avez choisi donc A Perfect Day de Lou Reed. Vous me disiez hors antenne que vous aviez assisté à l'un de ses derniers concerts. Comment était-il ? Bah écoutez, il était, oui, c'était au Grand Rex, et puis effectivement, il allait mourir l'année suivante. Il était encore, il était un peu fatigué, il faut bien le dire, mais il était encore vraiment impressionnant aussi à écouter. Moi, c'est quelque chose qui m'émeut beaucoup. Moi, j'ai découvert ça pendant que j'étais en classe préparatoire, et je veux dire que je faisais mes devoirs de mathématiques et de physique en écoutant Lou Reed. Et puis je l'ai choisi là aussi pour aujourd'hui parce que vous voyez, vous parliez de perfection qu'on obtiendrait par des perfectionnements techniques, et là dans cette chanson Such a Perfect Day de Lou Reed, le jour parfait dont il parle, en fait il ne se passe que des choses extrêmement simples. Il va boire une sangria au bar avec, alors le sexe n'est pas précisé, si c'est son compagnon ou compagne, et puis ensuite il retourne à la maison, ils ont fait un tour aux zoos pour nourrir les animaux, ils ont été voir un film, voilà, et c'est il dit il parle de ce jour parfait, il dit I'm glad I spend it with you, je suis heureux de l'avoir passé avec toi. Et voilà, et la perfection, elle ne vient pas d'un artifice technique, là elle vient du fait d'avoir passé cette journée avec la personne en question. Il dit aussi I thought I was someone else, someone good. Je pensais que j'étais devenu quelqu'un d'autre, quelqu'un de bon. Et là, c'est aussi quelque chose qui me semble très important. Vous voyez qu'aujourd'hui, où on parle de beaucoup d'intelligence artificielle, et en fait, des gens comme Ray Kurzweil parlent de une singularité qui interviendrait maintenant dans pas très longtemps. Ce moment où l'intelligence artificielle viendrait dépasser l'intelligence humaine. Et comment peut-on faire ce type de prévision ? Eh bien, c'est en assimilant l'intelligence à une puissance de calcul. On évalue la puissance de calcul du cerveau humain, on connaît la puissance de calcul des ordinateurs, et puis on s'aperçoit que depuis quelques décennies maintenant, suivant ce qu'on appelle la loi de Moore, la puissance des ordinateurs double à peu près tous les 18 mois. Donc on prolonge la courbe, et puis à un moment donné, eh bien, en prolongeant cette courbe de puissance des ordinateurs, on se dit à un moment donné, l'intelligence artificielle va dépasser... On fait comme si cette loi était une loi de la nature. Alors déjà, il y a beaucoup de problèmes, parce qu'on fait comme si, effectivement, cette loi, c'était comme la loi Newton, alors qu'en fait, c'est une loi empirique dont rien ne dit qu'elle va se poursuivre. Il y a quand même aujourd'hui, d'ailleurs, de plus en plus de gens qui ont des gros doutes sur le fait qu'elle puisse se maintenir encore bien longtemps. Et puis, deuxièmement, c'est quand même aussi une assimilation préalable de l'intelligence à la puissance de calcul. Et là, en fait, vous voulez, on est victime de certaines métaphores. Quand on a commencé à fabriquer des calculateurs, on s'est mis à les appeler des cerveaux électroniques. Et puis alors, ensuite, réciproquement, quand ces machines se sont développées, on a utilisé pour le cerveau la métaphore de l'ordinateur. Et donc, finalement, si le cerveau est un ordinateur, à ce moment-là, ça peut avoir un semblant de sens de comparer la puissance d'un ordinateur à celle du cerveau. Sauf que, encore une fois, cette métaphore du cerveau comme ordinateur peut avoir, dans certains contextes, un certain degré de validité, mais ça reste une métaphore qui ne capte absolument pas la nature complète du cerveau. Et en particulier, c'est un exemple que j'aime bien donner, hein, mais c'est que dans la Bible, quand le roi Salomon demande au Seigneur de lui donner un cœur intelligent, précise pour discerner le bien du mal. Donc c'est pas du tout, il lui demande pas d'avoir un cerveau qui a des capacités de calcul monstrueuses, c'est la capacité de discerner le bien du mal. Et c'est ce qui apparaît dans la chanson où il dit qu'il aimerait être quelqu'un de bon, ça veut pas dire quelqu'un avec des super pouvoirs. Mais Olivier, est-ce qu'il n'y a pas un problème de traduction ? Intelligence en anglais, c'est pas la même chose que intelligence en français. L'intelligence au sens anglais du terme, c'est la capacité à analyser des données, à traiter l'information. Alors que le mot anglais pour désigner l'intelligence au sens français du terme, ce serait plutôt cleverness. Ça contient l'empathie, ça contient l'analyse des situations. Ça contient d'autres facultés qui ne sont pas simplement dans le calcul. Oui, tout à fait. Vous avez raison à cette conception restrictive, enfin de l'intelligence, ajoute en plus les problèmes de traduction. Alors, vous dites quelque part que avec le transhumanisme, on NBIcise la mégalomanie. Alors, ça fait allusion aux technologies NBIC qui combinent l'informatique, les neurosciences, la nanotechnologie et d'autres choses encore, la biologie. Ça veut dire que dans le projet transhumaniste, il y a quelque chose qui relève de la mégalomanie ? Oui, enfin, c'est vraiment ambigu parce que d'un côté, effectivement, on pourrait dire qu'il y a une sorte de résurgence du fantasme du petit enfant qui, dans son impuissance, va développer des fantasmes compensatoires de toute puissance. Si l'être humain est autant hanté par ces fantasmes de toute puissance, c'est parce qu'il a commencé par être un tout petit enfant qui était complètement dépendant des autres pour sa simple survie. Et en plus, c'est pas un état transitoire, enfin un état qu'il ne fait que traverser rapidement. C'est quelque chose qui dure. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il va se développer une certaine mégalomanie infantile. Et puis, normalement, lorsque l'être grandit, il apprend à faire de plus en plus de choses par lui-même, et à ce moment-là, ces fantasmes mégalomaniaques vont normalement décroître au profit des capacités réelles qui se développent. Mais bon, il se trouve malgré tout que ce fond fantasmatique demeure, et par ailleurs, ce fond fantasmatique, il est particulièrement réactivé par les vies que nous menons aujourd'hui, où finalement nous maîtrisons, c'est ça le paradoxe, c'est-à-dire que la technique qui est là pour nous faire donner de plus en plus de maîtrise sur le monde, encore une fois, c'est ce qu'elle fait jusqu'à un certain point, mais passé certains stades de développement, elle nous replonge dans un état de totale dépendance. Alors, pas plus de totale dépendance par rapport à nos parents, mais un état de totale dépendance par rapport au fonctionnement du système. Et donc, j'aime bien dire, en fait, bon, voilà, l'enfant, au départ, il est complètement dépendant des tétons, et ensuite, nous devenons totalement dépendants des connexions. Oui, alors, vous parlez de la petite enfance, ça me donne l'occasion de citer une phrase de Freud qu'on trouve dans sa correspondance. Il l'a écrite à l'un de ses amis le 17 mai 1914. Il dit ceci: quiconque promettra à l'humanité de la libérer des difficultés du sexe sera acclamé comme un héros, quelles que soient les absurdités qu'il puisse proférer. Alors c'est quoi la difficulté du sexe ? C'est le fait qu'il est soumis au hasard des rencontres ? Il échappe à la programmation technique. Non, mais pour le petit enfant, la rencontre de la différence des sexes est une expérience tout à fait décisive et qui est apporte aussi un démenti à certains fantasmes de toute puissance, parce que à partir du moment où l'humanité n'est pas composée d'êtres humains secondairement masculins ou féminins, mais est composée d'hommes et de femmes, et qu'on est soit d'un côté soit de l'autre, cela veut dire que aucun être humain ne peut prétendre résumer en lui seul le tout de l'humanité. Si vous voulez, la différence sexuelle est une manière aussi de signifier à chaque individu qu'il ne peut pas représenter le tout de l'humanité, qu'il est obligé d'en passer par les autres pour pouvoir atteindre à une certaine complétude. Ça ne veut pas dire que la complétude est interdite, mais elle oblige à passer par d'autres. Et c'est là que se situe l'enjeu extraordinaire aujourd'hui qui se joue autour des questions de changement de sexe, transsexualisme, etc. Je pense que qui s'exprime à travers cela, c'est une résurgence, encore une fois, des fantasmes de toute puissance. Et c'est d'ailleurs assez extraordinaire de voir que James Hughes, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un bioéthicien, mais c'est quelqu'un qui a présidé la World Transhumanist Association, la WTA, qui a été créée, je crois, au début des années 2000, il me semble, et puis qui est devenue depuis Humanity Plus. Et James Hughes, dans un de ses textes, le dit explicitement, il dit « les transsexuels sont les troupes de choc du transhumanisme ». Alors évidemment, vous voyez que si les transhumanistes, en fait, ce qu'ils veulent, c'est nous amalgamer à la machine. Évidemment, si on devient de plus en plus machinique, la différence sexuelle étant ce qui est inscrite dans notre corps, dans nos organes, plus on s'éloigne de ce corps organique pour aller vers la machine, plus effectivement la différence sexuelle devient subalterne. Et donc on peut dire que la sortie de la sexuation, on pourrait dire que c'est un sous-produit du transhumanisme. Mais en même temps, j'aurais tendance à penser que c'est un des enjeux importants du transhumanisme, en général inavoué, qui est de nous faire sortir de la condition sexuée. Alors vous dites aussi, quelque part dans votre livre, Liliré, que en poussant à l'extrême la mainmise de la technologie sur l'humain, les perspectives transhumanistes nous font oublier ce qu'il y a de déjà démesuré dans la domination technologique et ses progrès. C'est-à-dire qu'on nous présente quelque chose qui est tellement différent de ce qu'on connaît que ça évite d'exercer un jugement critique sur ce qui est déjà. C'est ça l'idée ? Il faut faire attention vis-à-vis du discours transhumaniste à ne pas prendre pour argent comptant les promesses les plus délirantes qui nous sont faites. Parmi ces promesses délirantes, il y a la mort, fait que nous sortirions de la condition mortelle pour avoir des vies infinies. Il y a le fait que nous pourrions nous amalgamer totalement avec la machine, transférer notre cerveau sur d'autres supports, ce genre de choses. Évidemment, ça, c'est des promesses qui flattent énormément les fantasmes mégalomaniaques, mais qui ne sont absolument pas destinées à se réaliser. En revanche, si vous voulez, le transhumanisme réellement existant ou qui peut réellement exister, en fait, arriver à nous rendre dépendants de plus en plus de la technique. Alors, justement, nous sommes déjà, tous les habitants des métropoles sont dans leur existence même en permanence extrêmement dépendants du fonctionnement de tout le système technologique. Mais disons qu'avec le transhumanisme, on franchirait une étape supplémentaire, c'est-à-dire que cette dépendance vis-à-vis du système serait incorporée, entrerait dans notre constitution même. Et ça, c'est ce genre d'évolution est tout à fait concevable. Alors, vous voyez, une entreprise qui soutient particulièrement le transhumanisme, c'est Google, mais Google s'est allié avec les plus grands laboratoires pharmaceutiques. Et l'idée de Google, c'est, en suivant des cohortes, sur plusieurs années, des cohortes assez importantes de personnes volontaires, en fait, de suivre ces personnes en enregistrant en permanence un grand nombre de leurs paramètres physiologiques, et puis ensuite de leur faire passer des visites médicales, et puis de regarder leur état de santé, et d'établir ce que Google appelle une cartographie de la santé humaine. Et puis, en fonction de cette cartographie, on fera tourner des ordinateurs qui établiront des corrélations. Et puis, à tout moment de votre vie, on vous indiquera quels médicaments vous devez prendre, comment vous devez vous alimenter, ce que vous devez faire, etc. Et donc, on arrivera à une sorte de monitorage en permanence de l'être humain. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait, là, pour le coup, envisageable et programmé. Et alors, vous voyez, pendant qu'on s'excite sur la mort de la mort ou des choses comme ça, on ne s'occupe pas de ce qui est véritablement en train de se produire, et là, qui est en revanche envisageable. La littérature dont vous parlez là, Olivier Rey, c'est une littérature qu'il ne faut pas lire si on est hypochondriaque. Parce qu'on voit tous les défauts, toutes les maladies qu'on pourrait avoir et qui pourraient être connues si on avait une connaissance moléculaire de notre organisme. Et d'ailleurs, si on prend la définition de la santé qui est maintenant dans le préambule de la constitution de l'OMS, on se rend compte qu'on est nécessairement tous malades et que la technologie est la seule chose qui pourra nous mettre en bonne santé. Je cite la définition de la santé. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Fin de citation. Voilà. On est tous malades, très malades. Ah Knock était vraiment un petit joueur par rapport à l'OMS. Et effectivement, à partir de ce type de définition... Combien de personnes peuvent prétendre avoir la santé telle qu'elle est définie là? Je pense qu'effectivement, personne. Et donc, ça justifie effectivement une intervention de plus en plus grande et permanente pour nous faire converger vers cet idéal édénique que serait la santé telle qu'elle est définie par l'OMS. Mais vous dites, et je pense que ça résume assez bien votre philosophie, que face à ces promesses plus ou moins délirantes, il faut pratiquer une sagesse de la répugnance. Et vous citez là une expression qui a été inventée par Léon Cass. Léon Cass était un philosophe ? C'est un philosophe ? Oui, américain, oui. Oui. Alors qu'est-ce que c'est que cette sagesse de la répugnance ? Comment est-ce qu'on peut la... Il faut être prudent parce que il y a certaines répugnances qu'il faut savoir certes surmonter. Toutes les répugnances ne sont pas bonnes, toutes ne sont pas justifiées. Et encore une fois, il y en a certaines qu'il faut savoir surmonter. Mais enfin, là, ce qu'il voulait dire, c'est que par rapport à certaines choses qui nous sont proposées, la première réaction qu'on doit avoir, c'est quand même d'écouter un petit peu ce que l'on ressent d'emblée avec son corps et ne pas entrer directement dans la discussion intellectuelle. Alors vous parlez souvent de Günther Anders, qui est un de vos maîtres, le premier mari d'Anna Arendt, et vous le citez par exemple pour dire ceci. Günther a écrit « La tâche de la science actuelle ne consiste plus à découvrir l'essence secrète du monde ou des choses, ou encore les lois cachées auxquelles ils obéissent, mais à découvrir le possible usage qu'ils dissimulent. L'hypothèse métaphysique, elle-même habituellement cachée des recherches actuelles, est donc qu'il n'y a rien qui ne soit exploitable. » Est-ce que vous êtes vraiment d'accord avec ça? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a quand même des recherches qu'on mène parce que les résultats de ces recherches nous intéressent? Non pas parce qu'il y a des résultats qui seraient exploitables, mais parce que ça satisfait un besoin de connaissance. Personne, par exemple, ne pense sérieusement qu'on pourra utiliser l'énergie des trous noirs ou du vide quantique, et pourtant, on étudie ces choses. Oui, mais je pense qu'il y a quand même eu, encore une fois, un retournement, c'est-à-dire que la science moderne, peut-être que l'un de ses plus grands accomplissements au XVIIe siècle avec Newton, c'est la loi de la gravitation universelle, qui nous permet de décrire bien mieux qu'on n'avait jamais pu le faire par le passé le mouvement des astres dans le ciel. Mais en fait, la découverte de cette loi de la gravitation universelle ne nous donne aucun moyen de changer la trajectoire des astres, ce que nous ne savons toujours pas faire. Mais au fur et à mesure que le temps a passé, il y a beaucoup de théories qui sont développées, qui elles permettent d'intervenir sur la matière. Et donc en fait, à ce moment-là, sont devenues des technologies qui apportent beaucoup de puissance. Et à ce moment-là, il va de plus en plus ce souci de la puissance va s'immiscer dans la recherche scientifique. Et donc je ne nie absolument pas que il n'y ait pas aujourd'hui dans la recherche scientifique quelque chose qui ressortisse toujours au souci théorique. De même que dès le début de la science moderne, il pouvait y avoir aussi des soucis pratiques. Mais là, encore une fois, c'est une question de mesure, si vous voulez. C'est-à-dire que le partage entre les deux a énormément changé. Au départ, c'était quand même d'abord théorique, et puis ça pouvait éventuellement avoir des retombées pratiques. Alors qu'aujourd'hui, la recherche, elle est quand même pilotée essentiellement par cet espoir de retombées pratiques. Et puis, il y a un certain nombre de scientifiques qui arrivent d'une certaine manière dans ce flot d'argent qui est déversé dans des buts pratiques, à en détourner des petits ruisseaux pour pouvoir continuer à mener des réflexions théoriques. J'observe plutôt, j'entends dans ce que vous dites, Olivier Rey, c'est le fait que vous parlez souvent de renversement. Vous dites, en gros, sur beaucoup de sujets, si on dépasse un certain seuil, oui, ça s'inverse. Et notamment, vous proposez une relecture du mythe d'Icare, en disant, les anciens, quand ils voient Icare, ils le trouvent un peu ridicule, ils refusent d'habiter la Terre et il en prend pour son grade, il tombe. Et les modernes ont tendance à voir en lui celui qui va, par son audace, son intelligence, son courage, être dans la préfiguration du vol humain. Oui, aujourd'hui, il y a beaucoup de malentendus autour des mythes antiques, alors en particulier, effectivement, autour du mythe d'Icare. En fait, les Grecs étaient extrêmement admiratifs de l'ingéniosité en général et de l'ingéniosité technique en particulier. Et celui qui incarne le mieux cette ingéniosité technique, c'est Dédale. Dédale qui avait été recruté par le roi Minos pour lui construire son labyrinthe. Bon, je passe les détails, mais ensuite, Dédale va aussi servir les amours coupables de Pasiphae, épouse de Minos. Et donc, à ce moment-là, Minos va vouloir se venger de Dédale et va l'enfermer dans son propre labyrinthe, dont il est prisonnier avec son fils Icare. Mais Dédale étant extrêmement ingénieux, il va pouvoir trouver un moyen de s'extraire de ce labyrinthe avec son fils en confectionnant des ailes de cire qui vont leur permettre de voler. Et là, les Grecs admirent justement cette ingéniosité technique qui permet à Dédale de se sortir du mauvais pas dans lequel il se trouvait. Mais ce qui se passe, c'est que Icare, lui, avec ses ailes, au lieu de les utiliser simplement pour se sortir de ce mauvais pas et s'échapper du labyrinthe, en fait, il va vouloir aller voler jusqu'au soleil. En fait, sortir de la condition humaine pour devenir un être volant, un être aérien. Et là, ça va mal se terminer, effectivement, puisque en se rapprochant du soleil, les ailes de cire fondent et il va se noyer il va tomber dans la mer et s'y noyer. Et vous voyez là, et c'est exactement ce dont j'essayais de parler tout à l'heure de la question de la mesure, c'est-à-dire que les Grecs admirent l'ingéniosité technique de Dédale qui lui a permis de résoudre un certain problème, sortir du labyrinthe. Et puis, Icare, lui, il veut utiliser la technique pour sortir de la condition humaine. Et là, ça ne se termine pas bien. Et les Grecs tiennent sans cesse les deux ensemble. D'ailleurs, à ce propos, vous citez Gustave Thibon qui dit « L'accélération continue est le propre des chutes plutôt que des ascensions ». Oui, mais et en fait, vous voyez, la relecture qui est faite par les modernes du mythe d'Icare, c'est de dire « c'était le... Icare cherchait à accomplir un vieux rêve de l'homme qui était de voler, mais bon, les moyens n'étaient pas encore au point. Et puis donc, désormais, grâce au progrès technologique, on va pouvoir accomplir ce rêve. Mais pour moi, justement, les avions montrent, si vous voulez, ce qu'il y a quand même de mensonger dans le recyclage de ces mythes, parce qu'on va dire, voilà, quand on est dans un avion, on accomplit le plus vieux rêve de l'homme qui est de voler. Mais voyez, Icare, lui, c'était quand même quelqu'un qui volait comme un oiseau, qui avait, alors que aujourd'hui, pour voler, voyez, vous devez monter dans un appareil. Vous êtes sanglé sur un siège, vous ne maîtrisez strictement rien. En plus, aujourd'hui, pour rentrer dans cet appareil, vous êtes dans des aéroports où il faut pratiquement se mettre tout nu avant de pouvoir rentrer. Enfin, c'est une humiliation. Aujourd'hui, passer dans un aéroport, c'est vraiment l'humiliation de la condition humaine. Et donc, en fait, vous voyez, on vous dit, vous accomplissez le plus vieux rêve de l'homme, et en fait, le plus vieux rêve de l'homme passe par une humiliation absolument extraordinaire par rapport à la technique et au système policier. Mais on peut quand même voyager, du coup. On peut voyager, oui, mais c'est un prix que je trouve de plus en plus exorbitant. Et donc, c'est toujours la question qui se pose, c'est celle de... Encore une fois, vous voyez, il n'y a jamais du totalement positif et du totalement négatif. Il y a du positif mélangé avec du négatif. Et la question, c'est de savoir à quel moment le positif l'emporte sur le négatif ou l'inverse. Ce que vous dites de l'avion me fait penser à cette phrase qu'on trouve dans Beckett. On est peut-être con, mais pas au point de voyager pour le plaisir. Alors, je voulais vous... Oui, il y a une autre citation que je peux ajouter. C'est dans un film de Jean-Luc Godard. Où on le voit dans un avion qui va prêt à décoller et il a une tête absolument épouvantable et alors son voisin lui dit mais pourquoi avez-vous l'air aussi désespéré et Jean-Luc Godard lui dit on est toujours un peu triste quand on va quitter la Terre. France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. Alors il a été souvent rappelé à ce micro que le mot progrès a disparu des discours publics, il est remplacé par le mot innovation. Georges Clemenceau avait fait remarquer un jour qu'un discours de Jaurès se reconnaît à ce que tous ces verbes sont conjugués au futur. Mais Jaurès a été assassiné et peut-être avec lui une certaine façon de conjuguer les verbes justement. Aujourd'hui, lorsque nous lisons les journaux, les pages web ou lorsque nous regardons la télévision, nous constatons qu'on ne nous parle plus que du présent, comme si le futur s'était absenté de nos représentations. Comme si l'urgence avait partout répudié l'avenir comme promesse. Et donc, est-ce que le discours transhumaniste ne vient pas combler le vide de nos représentations du futur ? Oui, oui. En donnant à l'idée de progrès l'occasion d'une rédemption ? Oui, en changeant aussi quand même beaucoup son sens, enfin la manière dont il était compris pendant longtemps, parce que le progrès, celui dont parlait Jaurès, par exemple, c'était un progrès commun, c'était un progrès collectif, du genre humain, du genre humain, c'était un progrès extrêmement collectif, alors que le progrès proposé par le transhumanisme, en fait, c'est un progrès extrêmement individualiste. C'est simple. Pour très peu de gens, finalement, qui parient sur une faillite ou un effondrement de l'humanité dans ses formes classiques. Oui, alors il y a aussi un transhumanisme de gauche, ce qu'on pourrait appeler le transhumanisme pour toutes et tous, en fait, des transhumanistes qui disent mais il faudra veiller par la vigilance démocratique à ce que les implants soient disponibles pour tous, de l'augmentation pour tous. Alors bon, je pense que ça n'est pas très sérieux, mais indépendamment même de cela, de toute façon, ce qui est toujours proposé, même si, je veux dire, tous les êtres étaient augmentés, en fait, ces augmentations sont toujours des augmentations de facultés individuelles. Si vous voulez. Et sectorielles. Sectoriel et on promet toujours à l'individu de... C'est pour ça que j'avais choisi la chanson de Lou Reed... Perfect Day, parce que la perfection de cette journée décrite par Lou Reed, elle vient de ce qu'elle a été passée avec quelqu'un qu'il aime, hein. Et n'a absolument ne passe absolument pas par le développement de capacités extra humaines. Mais alors, Olivier, si je comprends bien ce que vous dites, quelles seraient les conditions qu'il faudrait que le transhumanisme remplisse pour devenir une sorte de, d'accomplissement de l'humanisme traditionnel? Bah, je pense qu'il ne peut pas y parvenir. En fait, le transhumanisme, encore une fois, c'est soutenu aussi, tout le discours transhumanisme. Les transhumanismes sont en fait très peu nombreux et ont une audience qui est disproportionnée par rapport au nombre qu'ils sont. Et leur audience, elle est largement favorisée parce que ce discours plaît à un certain nombre de grands intérêts économiques. Parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, on pourrait dire que c'est peut-être ça le passage de la modernité à la postmodernité, c'est que la postmodernité, elle poursuit le mouvement moderne, mais finalement, on y croit de moins en moins. C'est-à-dire que c'est de plus en plus quelque chose qui se poursuit par simple inertie. Voilà, on est lancé, alors on continue, mais autant la modernité pensait que ce mouvement pouvait ouvrir sur un futur formidable, autant la postmodernité, elle s'interroge, elle sait même pas s'il y aura un futur. Et évidemment, bon, ça c'est quand même pas bon pour le moral des ménages. Si on veut soutenir la consommation, il faut un peu aiguillonner le public. Et le grand récit transhumaniste, en fait, est une manière d'essayer de fournir un récit de remplacement à partir du moment où le récit du progrès humain par le progrès technologique est de moins en moins crédible. Vous écrivez, c'est d'ailleurs la dernière phrase de votre livre qui s'intitule « L'heure et malheur du transhumanisme », Olivier Rey, vous écrivez « Pour être à la hauteur de ce qui vient, ce ne sont pas d'innovations disruptives, de libertés morphologiques, ni d'implants dont nous aurons besoin, mais de facultés et de vertus très humaines. » Alors, quelles sont ces facultés et vertus très humaines? Est-ce que c'est le courage dont parle Solzhenitsyn dans le discours que j'ai rapidement évoqué tout à l'heure? Oui, c'est entre autres le courage, c'est un certain sens communautaire, l'amitié, la solidarité, c'est l'ingéniosité aussi, hein, mais une ingéniosité qui est beaucoup plus à notre mesure qu'investie dans des gigantesques systèmes qui, au lieu à un moment de nous servir, se mettent à un certain moment à nous asservir. C'est pour ça que mon sentiment qu'il m'arrive d'exprimer, c'est que je suis loin d'être le seul à partager, c'est que au cours du 21e siècle, la dynamique que nous connaissons depuis maintenant deux siècles va toucher ses limites et que nous sommes exposés à sans doute vivre certains effondrements, jusqu'à quel point je n'en sais rien, et je suis pas devin, mais alors, quand on dit cela, on se heurte tout de suite à des réponses. Vous êtes extrêmement pessimiste. Bon, personnellement, franchement, si je devais penser que la dynamique actuelle va se poursuivre encore pendant des siècles et des siècles, là, je pense que pour le coup, pour moi, ce serait une vision extrêmement pessimiste. Alors, c'est vrai que aujourd'hui, nous sommes devenus tellement dépendants dans notre survie même du système tel qu'il fonctionne, qu'effectivement, des effondrements ont un côté extrêmement redoutable parce que ils nous promettent des périodes extrêmement difficiles. Mais en même temps, c'est aussi l'occasion pour les êtres humains de se ressaisir de leur destin et de vivre à nouveau des vies pleinement humaines. Et donc, si vous voulez, par exemple, un grand nombre des pathologies modernes et des souffrances modernes vient du fait que nous vivons des existences qui sont de plus en plus éloignées de l'exercice de nos facultés naturelles. Et le fait d'être plongé, si vous voulez, par la force des choses dans un monde qui, matériellement par exemple, pourrait être plus difficile, pourrait nous amener à mener des vies qui seraient globalement, humainement, plus épanouies. D'ailleurs, en fait, regardez les citadins qui vont faire de la montagne pour se replonger dans des... Ça paraît complètement aberrant. Ils sont tranquilles sur leur canapé et puis ils vont aller dans des lieux où ils risquent leur vie. Et en fait, c'est parce que nous sommes sevrés de l'exercice exercice de nos facultés naturelles. Ressaisissement, ça sera le mot de la fin, Olivier Rey. Je vous remercie d'être venu à la conversation scientifique. Je recommande la lecture de votre ouvrage, L'heure et malheur du transhumanisme. C'était La conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Guillaume Ledu et à la réalisation Thomas Jost. Tout de suite, c'est-à-dire dans quelques instants, pour ne pas dire immédiatement, vous retrouvez Christophe Onodibio pour le temps des écrivains.